règles. Et si il ne ou elle ne respecte pas ces règles-là, elle n'est plus en communion avec Dieu ou elle sent qu'elle a péché envers Dieu. Tu sais, le légaliste a une vision mécanique de Dieu. C'est la vision d'un Dieu qui est un peu machine. La machine à coke. Tu sais, machine à coke, c'est très légaliste. Hein? Ça demande 50 sous, bien là, c'est un dollar ici. Là. Ça demande un dollar, il faut mettre un dollar. Ça peut être 4,30 sous, ça peut être 10 sous. Il faut que tu mettes un dollar. Si tu ne mets pas un dollar, tu ne l'as pas ton coke. Tu peux mettre 99 sous, tu ne l'auras pas. Parce que la machine, elle est légaliste. OK? Et donc, il faut répondre aux exigences de la machine pour avoir ce qu'on veut avoir de la machine. La plupart des religions du monde, et beaucoup de chrétiens, malheureusement, ont une vision mécanique de Dieu. Qu'on parle de la religion gréco-romaine, de la religion du Proche-Orient ancien, de l'hindouisme, de l'islam même. Toutes ces religions ont une chose en commun. On a des listes et des listes et des listes de règlements, de règles, de rituels à respecter. Et si on ne les respecte pas, on s'attire la défaveur des dieux. Dans le christianisme, on nous présente une vision complètement différente de Dieu. Ce n'est pas le Dieu mécanique, c'est le Dieu intelligent. Moi, j'ai cette théorie que Dieu est au moins aussi intelligent que nous autres. C'est un minimum, là. Tu sais, il me dit... Ouais, c'est ça, tu sais, c'est le bottom line, comme ils disent en anglais, là. Hein? C'est le minimum. Il est au moins, puis il monte. Hein? Tu sais, on peut monter à partir de là. C'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu de compassion, c'est un Dieu qui fait de nous ses partenaires dans ce grand projet qui consiste à former un peuple composé d'hommes et de femmes qui vont l'aimer librement. Ça, c'est un grand projet. C'est le projet le plus difficile que Dieu ait jamais entamé. Puis le plus un projet est difficile, plus il y a des risques d'échec. J'ai posé mes lumières de Noël, juste avant Noël, sur ma maison, sur ma belle maison. Je pensais que ça serait facile parce que l'ancien propriétaire, il avait laissé des espèces de petits supports en plastique. C'est extraordinaire parce que moi, je n'ai jamais laissé de support nulle part. Vous ne voulez pas acheter une maison de moi? Parce que je n'entretiens pas bien mes maisons, pas d'argent pour ça. Ça fait que là, j'ai appris ma leçon, j'achète ma maison de quelqu'un qui est un maniaque. Tu sais, j'ai fait passer un test avant, là. Est-ce que vous voulez, tu sais, s'il ne se lève pas à 5 heures du matin pour entretenir sa maison, je n'achète pas. Puis je n'ai acheté un d'un gars comme ça. Ah, la bénédiction. Tu l'as vu, j'ai ma maison. Hein? Rien à faire dessus. En tout cas, donc là, il y a des petits supports. Je me dis, bon, ça va être facile. Je vais aller acheter des lumières. C'est installé. On commence à 9h, à 10h, c'est fini. Samedi matin. Reste la journée pour rien faire. En tout cas, pour acheter des lumières. Comment s'installer les lumières? Puis là, j'avais pensé à ça, mais là, la lumière était installée en envers. Je ne pouvais pas aller brancher. Ça ne veut rien dire avoir un doctorat. Absolument rien dire. En tout cas. Fait que là, j'enlève les lumières, puis entre-temps, je brise quelques supports parce qu'il faisait froid. Là, je commence à maudire. Pas sacré. Maudire. OK? Je commence à maudire la journée de ma naissance, par exemple. C'est pas pareil, là. Fait que là, j'en remets la chose. Là, je réalise que 50 pieds, c'est pas assez large. J'avais acheté une boîte de 50 pieds. J'avais pas réalisé que ma maison avait plus que 50 pieds. Fait que là, il fallait que je retourne chez Walmart une semaine avant Noël. Ah oui, puis l'autre affaire aussi. Non, c'était plus compliqué que ça. La deuxième boîte, j'avais acheté deux boîtes. Bonne tête, moi. J'avais acheté deux boîtes. Mais là, l'autre boîte, c'était toutes des lumières bleues. J'avais pas réalisé que ça venait en différentes couleurs, ces affaires-là. Je pensais que c'était tout. Je pensais que c'était tout multicolore, tu sais. Fait que là, je retourne à Walmart. Je vais échanger la boîte. Je vous dirai pas comment j'ai fait ça parce que c'était pas tout à fait. J'ai rien volé, là. J'ai juste... C'est parce qu'il y avait une longue file, là, puis je changeais la boîte, puis sortir vite. En tout cas. Depuis ce temps-là, j'ai peur qu'on vienne m'arrêter. Ça fait que, là, j'installe ça, puis là, je réalise, j'avais pas besoin... C'est de 150 pieds que j'avais besoin. C'est pas que ma maison soit si large, mais vous savez, c'est lousse. Puis en tout cas, je n'arrivais pas toujours à brancher la foutue lumière. Là, je maudissais. Je t'ai rendu que je maudissais, là, mes ancêtres, là, le premier Pierre Gilbert, là. ça n'avait plus de sens. Il fallait que je retourne. Puis, en tout cas, pensez. Là, j'ai eu brisé des supports. Là. Je trouvais d'en acheter d'autres. Ça allait mal, ça allait mal. J'ai fini par les installer. Ils sont tout croches, là, tu sais. Ce qui est typique de moi. Là. En tout cas. Mais là, c'était pas trop pire, parce que c'est moi qui avais pris la responsabilité d'installer les lumières. Je me suis pardonné. Hein? C'est une belle qualité, ça, d'être capable de se pardonner. Hein? J'aurais pu me taper la tête là, contre le mur, là, jusqu'à ce que ça saigne. Bon. Là, je me suis pardonné. Mais si j'avais demandé à mon garçon de 14 ans, le grand même, le grand flambeau, là, hein? Au lieu de jouer son Nintendo, là, d'aller installer les lumières, il est capable de faire ça, lui. Puis si lui avait pété les lumières, décroché, tout installé de croche, j'aurais eu le choix de faire une de deux choses. J'aurais pu chicaner, crier après. Je suis capable. Des fois, je perds patience. Là. C'est moins pire. Là. Au fur et à mesure que je vieillis, j'ai moins de testostérone, j'ai plus de patience. Là, je deviens pas plus spirituel, c'est juste que mon corps est en train de... Oui, il est en train de mourir tranquillement. Là, j'ai de l'air juste plus spirituel. Je ne suis pas... Aucun mérite, hein? J'aurais pu me fâcher après. Mais là, est-ce que vous pensez que mon garçon aurait accepté de m'aider une deuxième fois sur un projet? Jamais. Jamais. Il serait révolté contre moi. Il serait parti sans retrouver dans les rues du centre-ville de Winnipeg. On l'aurait perdu à tout jamais. Il serait devenu un criminel. Oui. Ben, regardez, je me suis fâché après mon premier. Il est devenu US Marine. Tout à fait. Oh, il y a bien une histoire autour de ça, en tout cas. Non. Mais si je lui avais donné le projet, au lieu de le chicaner, je serais venu le voir, je lui ai dit, écoute, je pense qu'il y a 3-4 affaires qu'il faut corriger. Il faut être capable de brancher les lumières, il faut aller acheter d'autres ampoules parce que tu en as cassé quelques-unes. Est-ce que vous pensez qu'il aurait été prêt à assumer d'autres responsabilités plus tard? Absolument. Quelle est la différence entre le premier cas et le deuxième cas? Dans le premier cas, il n'y a pas de pardon. Dans le deuxième cas, il y a le pardon. Le texte de la Genèse nous enseigne que Dieu nous offre la possibilité de participer à un grand projet, un projet très complexe. Mais comme vous le voyez, plus le projet est complexe, plus il y a des possibilités d'erreur, plus il y a des possibilités d'échec. Or, si le pardon n'existe pas, on ne peut pas prendre le risque de participer au projet. Parce que dans un tel projet, nous allons échouer de temps à autre. L'échec fait partie de la game, ça fait partie du jeu, ça fait partie de ce partenariat que Dieu nous invite. Nous allons échouer. Mais il ne faut pas avoir peur de l'échec, parce que Dieu pardonne. Et parce qu'il pardonne, je peux prendre le risque. Le risque de devenir le partenaire de Dieu. Puis de faire des choses que, bon, peut-être que je ne réussirai pas, peut-être que je vais échouer. Mais de prendre le risque. Mais si je réussis, Dieu soit loué. Puis si j'échoue, Dieu soit loué. Dieu pardonne. On continue. OK? Je ne vous parle pas là, de participer à des péchés. Là. Je vous dis d'essayer de participer au projet de Dieu puis de ne pas réussir parfois. De prendre le risque. C'est la grande promesse de ce texte, de ce mandat. C'est que dans la mesure où on reste dans les cadres de la mission que Dieu nous propose, il y a de la place pour faire preuve d'initiative, pour faire preuve de créativité, pour s'engager dans ce grand projet-là, sans être terrorisé et paralysé par la possibilité de l'échec. Il y a des chrétiens qui font rien, qui refusent toute responsabilité parce que parfois ils ont peur, parce qu'ils disent « Oh, je ne suis pas capable, puis si j'essaie, puis si j'échoue, qu'est-ce que Dieu va penser et qu'est-ce que les membres de la communauté vont penser? » C'est la mauvaise façon de penser Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu qui pardonne. C'est une caractéristique unique du christianisme. C'est la seule religion où Dieu pardonne et pardonne vraiment. Vous réalisez-vous jusqu'à quel point on est pardonné? L'apôtre Jean nous dit que Jésus-Christ est mort, pas seulement pour nos péchés, mais les péchés du monde entier. Il n'y a pas une personne qui va aller en enfer pour ses péchés. Les gens vont aller en enfer parce qu'ils auront refusé l'amitié de Dieu, la relation que Dieu leur offre. C'est tellement là, contre-courant. C'est révolutionnaire. Il n'y a rien de semblable en termes de religion du monde. C'est unique au christianisme. On prend une pause. On revient une vingtaine de minutes. Oh. Ce petit schéma-là. Mésopotamie, l'être humain est un esclave. En Israël, l'être humain est un partenaire. Qu'on peut comparer à un cadre de compagnie versus un employé. J'espère que ça, vous trouvez ça libérateur. Pour moi, ça a été très, très libérateur. Parce que c'est un schéma, c'est une conception de Dieu, de notre rôle dans le projet de Dieu, qui, au lieu d'étouffer ce que nous sommes, c'est la théologie protestante traditionnelle, le calvinisme en particulier, a une tendance à nier ce que nous sommes, à nier ce qui est bien dans le fait qu'on soit humain. Cette notion qu'on retrouve dans le texte de la Genèse, intègre ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Ça intègre nos qualités, nos dons, nos capacités. Si vous êtes une personne qui aime entreprendre des choses, si vous êtes une personne qui est créatrice, Dieu s'attend à ce que vous soyez ce genre de partenaire-là dans son grand projet. Si vous êtes une personne qui avait plutôt une personnalité plus réservée, mais Dieu s'attend à ce que vous utilisiez cette qualité aussi dans le cadre de son projet. Et que vous trouviez votre place dans le grand projet de Dieu avec ce que vous êtes plutôt que ce que vous n'avez pas. Ça, c'est l'intégrité. Vous savez, je définis l'intégrité de façon un peu différente des fois que d'autres le font, là. Bien, je suis d'accord avec toutes les définitions d'intégrité. Mais l'intégrité, ça, c'est un peu comme jouer aux cartes. Non pas que nous jouions aux cartes, mais supposons que... Dans les milieux mennonites, il faut que je fasse attention. Hein? Des fois, jouer aux cartes, c'est pas toujours bien vu. Mais, tu sais, quand on joue aux cartes, là, disons, au 8, hein? Il faut pas que ce soit trop compliqué, là. Au cœur, je comprends plus rien, mais au 8, tu sais. Tu sais, quand tu joues au 8, il faut que tu joues avec les cartes que tu as reçues. C'est bien tentant de vouloir jouer avec les cartes des autres. OK? Ou tricher un petit peu, des fois, tu sais, quand je joue avec mon petit garçon... Hein? Là, il est trop vite, là, je ne suis plus capable, mais il y a une époque où je pouvais facilement, tu sais, gagner. Tu sais, je disais de regarder en arrière, puis tu sors 3-4 cartes, puis hein, il ne se rendait pas compte. Je disais, ouais, je ne suis pas tricheur. Mais une vraie partie de cartes, il faut jouer avec ses cartes à soi. Mais la vie est un petit peu comme ça. Dieu nous donne des qualités. On a aussi nos défauts. On est né dans un certain contexte familial, des fois meilleur, des fois pire. Tout ce que nous sommes aujourd'hui est le résultat de ce que nous avons reçu. Dieu s'attend à ce qu'on vive pour lui, à ce qu'on devienne, à ce qu'on prenne notre part dans son projet avec ce que nous sommes et ce que nous avons. Trop souvent, on regarde ce que les autres ont, on ne remarque ce que nous n'avons pas, et on se dit, bon, ben je ne peux pas servir Dieu parce que je ne suis pas comme lui, puis je ne suis pas comme elle, puis je n'ai pas ci, puis je n'ai pas ça. Ça, ce n'est pas intègre. Dieu veut nous utiliser tels que nous sommes. Avec notre histoire, nos bébites, nos bons côtés, c'est comme ça qu'il veut nous avoir. C'est dans ce temps-là qu'il se réjouit. Hein? Quand on sert tel que nous sommes. Pensez à Samson. Pensons à Samson. Il ne sera pas un bon chrétien évangélique. Je ne vous dis pas que le bon chrétien devrait être comme Samson, mais en tout cas, dans le contexte là où Samson vivait, Dieu avait un projet, libérer son peuple, ça prenait un soldat, ça prenait un général, il utilise Samson. Ben des défauts, Samson, hein? Je ne vais pas vous faire la liste des défauts qu'il avait, là. Mais Dieu l'utilisait. Il n'y en a pas un ici qui est aussi pire que Samson. Vous êtes tout au-dessus de Samson. On regarde Samson de très haut. Hein? Pensez pas que Dieu peut nous utiliser? Il peut le faire. Puis il va le faire. Si on est prêt à embarquer dans son projet. Puis savez-vous ce qui se produit quand on embarque dans son projet? Il se produit quelque chose d'extraordinaire. J'ai tout là-dedans. Hein? Quoi? Voulez-vous rire de moi? Là? Il se passe quelque chose d'extraordinaire quand on rentre dans le projet de Dieu. Psaume 90, hein, c'est un beau psaume. Puis la question du psaume 90, c'est comment est-ce que je peux parvenir à l'éternité? Hein, tous les êtres humains veulent ça. Hein. Si on avait tous le choix là, de vivre pour toujours, là, 10 000 ans, là, on le ferait, je pense. Hein? On paierait bien de l'argent pour être capable de boire là, de la potion magique là, pour boire. Hein? On veut tous vivre pour toujours. On veut tous atteindre l'éternité. Puis la question du psalmiste, dans le psaume 90, c'est comment puis-je le faire? Il y a juste une façon d'atteindre l'éternité. Celui qui s'engage dans le projet de Dieu rentre dans le grand fleuve de l'éternité. Puis rentrer dans le fleuve de l'éternité, c'est de faire des gestes, c'est de faire des actions, c'est de vivre de manière qui est compatible avec le projet de Dieu. Quand on fait ça, là, on rentre dans le grand fleuve de l'éternité, puis on va durer pour toute l'éternité parce que nous serons devenus les partenaires de Dieu. Ceux qui refusent l'invitation de Dieu d'entrer dans son grand projet, savez-vous ce qui se produit? Ils vivent un petit bout de temps. Puis là, comme un char là, qui manque d'essence, là, il commence à tousser. Là. Puis il meurt. C'est fini. OK? Ça, c'est la réponse du psaume 90 à la question « Comment est-ce que je peux durer, perdurer pour toute l'éternité? » Bon! Oups! Vous n'avez pas vu ça. Lisons ensemble Genèse 3, 1 à 7. Ça, c'est un beau passage. En tout cas, vous allez voir. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » Question honnête. La femme dit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous ne toucherez pas, sinon vous mourrez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, et qui connaissent le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était à bon manger, agréable à la vue, et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Puis là, vous savez ce qui se passe après, leurs yeux s'ouvrent. Dieu est quelque peu déçu par tout ça, malédiction s'ensuit, et ainsi de suite. Nous connaissons ce passage, où on donne le titre à ce passage du récit de la chute. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Quand je parle du récit de la chute, quand je parle de Genèse 3, qu'est-ce que ça provoque comme pensée? Chez vous. Bris de relation. Désobéissance. Faiblesse. Échec. C'est pas un bon passage. En fait, c'est tellement bon un bon passage que d'ici. Il ne durera pas longtemps. J'ai hâte qu'elle tombe, comme ça, j'aurais plus besoin de m'occuper. Oups, là, je viens de perdre le récit de la création. Devenir un païen, ça a l'air, hein? Tu sais, l'an prochain, je ne me reconnaîtrai plus. Pour adorer le soleil. Bon. Laissez-moi vous suggérer, tout d'abord, je suis d'accord avec toutes les suggestions proposées ici. Moi, je suis toujours d'accord avec tout le monde. Okay? Je ne veux pas fâcher personne. Mais laissez-moi vous suggérer peut-être un angle, une perspective un petit peu différente qu'on peut avoir sur ce texte-là. Vous vous souviendrez qu'au Proche-Orient ancien, les êtres humains ne bénéficient vraiment d'aucune liberté dans le sens de pouvoir affecter, de pouvoir avoir un effet sur leur destin. Vous vous souvenez de ça, hein? Le destin des êtres humains au Proche-Orient ancien est établi d'avance par les dieux. On n'a aucun contrôle sur notre passé, peu de contrôle sur notre présent, et aucun contrôle sur notre avenir. Le destin des hommes et des femmes mésopotamiens est inscrit dans les cieux, dans l'univers. Et on ne peut pas modifier ce destin. Vous connaissez l'histoire de la chute. Une histoire qu'on interprète comme étant plutôt négative, très négative, une tragédie. Et en fait, ça l'est. Mais j'aimerais vous suggérer que ce texte-là jouait un rôle extrêmement important pour ces Hébreux qui sortaient d'Égypte. Puis j'aimerais vous suggérer que ce texte-là peut jouer aussi un rôle extrêmement important pour nous. Généralement, au cours de l'histoire, dans les cultures, on a tendance à créer des systèmes philosophiques et religieux qui nous enseigne une idéologie déterministe, réductionniste de l'existence humaine. C'est-à-dire qu'au cours de l'histoire, on a eu des systèmes qui nous ont enseigné que l'être humain, que l'existence de l'être humain est déterminée par un destin qu'on ne peut pas changer. Un destin immuable, un destin inflexible. La théorie de l'évolution, c'est un bel exemple. Notre destin n'est pas individuel, nous avons un destin collectif qui va nous amener à la création d'une race surhumaine un jour. Notre destin à nous, personnellement, se limite à contribuer les gènes nécessaires à la création de ce surhumain. Moi, personnellement, j'aime mieux être ici que là-bas, parce qu'ils ont des grosses têtes, pas de cheveux. Il y en a qui sont plus évolués que nous ici, là. Vous pouvez couper mon salaire. C'est pas ça. Je suis navré, mais c'est un compliment. Hein? Je suis primitif, regardez. Hein? Bon. Si on regarde même comme il faut dans une société comme la nôtre, on a tendance à croire, on nous enseigne que finalement ce que nous sommes, ce que nous allons devenir, est le résultat de différentes forces, nos gènes, notre enfance, nos parents, nos amis, la société. Ce sont ces forces-là qui, dans les faits, déterminent ce que nous sommes, ce que nous allons devenir, notre destin. Le récit de la chute est positif. Il y a une façon positive de lire ce récit-là. Tout d'abord, c'est une façon de dire aux Israélites, votre destin, il n'est pas dans les étoiles, votre destin, il n'est pas dans les entrailles des animaux, votre destin, il n'est pas dans les configurations de l'univers physique. Encore là, c'est du jamais vu, c'est de l'impensable. Votre destin est en vos mains. Vous avez le pouvoir de décider ce que vous allez devenir. Vous avez le plus grand pouvoir imaginable dans l'univers. Le pouvoir de dire oui ou le pouvoir de dire non à l'être le plus puissant que l'imagination puisse imaginer et même au-delà. Voyez-vous l'autorité incroyable que ce texte met entre nos mains. Nous avons la liberté de dire oui ou non au Créateur. C'est le pouvoir, la puissance la plus extraordinaire qu'on puisse imaginer. Il n'y a rien de plus puissant que ça. Le Créateur peut venir nous voir, peut se mettre devant nous, nous inviter, pleurer, se mettre à genoux, et c'est ce qu'il fait. On peut lui dire non. Et ainsi déterminer notre destin. On peut choisir la vie, c'est ce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal symbolise. Hein, c'est très sapientiel, c'est de la sagesse. On peut choisir la vie ou on peut choisir la mort. Et le pouvoir de décider l'un ou l'autre nous appartient. Ça n'appartient pas aux dieux, ça n'appartient pas aux puissances de l'univers, ça n'appartient pas aux puissances cosmiques, c'est entre nos mains. Nous avons l'habileté, la capacité, le pouvoir, l'autorité de déterminer notre avenir. Je ne vous dis pas qu'on a la capacité de déterminer ce qu'on va faire, si on va être millionnaire ou pauvre ou... riche ou peu importe, c'est pas ça que je dis. Ce texte nous dit qu'on a le pouvoir de déterminer notre destin dans le sens de notre relation avec Dieu et dans le sens du genre de personne qu'on va devenir et du genre de société qu'on peut construire. C'est un pouvoir extraordinaire, un pouvoir inconnu aux gens du Proche-Orient ancien, encore une fois inimaginable. Vous souvenez-vous du film Retour vers l'avenir, là? 1, 2, 3, vers le futur, c'est l'anglais encore, là. Je suis pas capable d'intégrer les deux, là. Il y a un combat là, qui se fait là, dans ma tête. J'espère que je vais mourir avant que ça me rende fou, là. Il reste à peu près 40 ans, peut-être moins. Savez-vous ce que Spielberg essayait de faire dans ce film-là? Ben, Spielberg ne fait pas des films pour rien, hein? Il ne fait pas des films juste pour le fun. Ben, son premier, là, tu sais, que je ne sais pas si vous l'avez vu, son premier film en noir et blanc, là, il y avait un gars dans une Chrysler Volare, là, qui se faisait poursuivre par un camionneur. J'aimais bien ça, moi, j'étais camionneur pendant 3 ans. Hein? C'était mon rêve, ça, moi, de poursuivre quelqu'un de même. tu sais. En tout cas, je ne sais pas pourquoi il a fait ce film-là, mais les films qu'il a fait, ou les films qu'il fait habituellement, ont une intention, un agenda. Et Retour vers le futur, certainement, en a un. Spielberg, j'en suis convaincu, a remarqué qu'on vit dans une société où on devient de plus en plus fataliste. On vit dans une société où les jeunes en particulier ne croient plus qu'ils peuvent véritablement changer l'avenir, décider du genre de société dans laquelle ils vont vivre. Parce que plus nous vivons dans une société qui est imposante, c'est une société extrêmement complexe dans laquelle on vit, plus on peut développer un sentiment d'impuissance par rapport à notre capacité individuelle de transformer l'avenir. Ce texte-là nous rappelle que nous avons le privilège, que nous avons la responsabilité, que nous avons le pouvoir et l'autorité de construire l'avenir. On peut décider si nous allons vivre dans une société où l'être humain sera déshumanisé et exploité, ou on peut décider si on va vivre dans une société où le shalom va prédominer. Vous savez, c'est quoi le shalom? La paix. Mais ça, là, vous savez, ça me choque des fois parce que surtout dans notre genre de société, on ne comprend pas ce que c'est. T'sais, parce que, vous savez, dans une société où on croit au mythe du progrès tout le temps, là, on veut toujours améliorer ce que nous avons. Hein? Si on a une Toyota 89, éventuellement, on veut l'échanger pour une Toyota 99. Hein? Ou si vous avez une Peugeot, là, tu veux échanger ça éventuellement pour un Ford. Hein? Je sais que Jean a toujours rêvé d'avoir ma grosse familiale, là. Il me l'a dit une fois qu'il voulait s'en acheter une comme ça. Tu sais, fait que même Jean Théorin, il voudrait être promu, hein, quelque chose de mieux. Quoique, c'est-tu celle-là qui avait brûlé? OK, un autre 10 piastres. Correct. Qu'est-ce que je disais, là? Je me suis perdu. Ah oui, le shalom, hein? C'est dans une société comme la nôtre, là, tu sais, où on n'a jamais vraiment fait l'expérience de la guerre, par exemple. On a une idée du shalom, là, qui est une espèce de prospérité, là, où on devient tous riches. Hein, tous, tu sais, on peut tous avoir les moyens d'acheter des grosses maisons, 350 000 $, puis des bateaux. Et soit dit en passant, à Winnipeg, la plus grosse église, l'église qui grandit la plus vite rapidement, c'est une église où on prêche l'évangile de la prospérité et de la santé. C'est une église, là, ils sont rendus à 3 000 membres, ils viennent de construire un complexe de 5 millions.5, puis c'est la phase 1 du projet. Et ce qu'on prêche, là, puis les jeunes embarquent là-dedans, c'est extraordinaire de les voir aller. Dieu veut que je devienne un millionnaire! Comme l'émission, là, qui veut devenir un millionnaire? Hein? Parce que plus j'aurai d'argent, moins les païens en auront, et plus on pourra faire du bien. Là, on dit ça, c'est le shalom. Ils n'ont rien compris. Absolument rien compris. Le shalom dans l'Ancien Testament, savez-vous c'est quoi? C'est cette habileté à vivre dans une communauté en paix. C'est ce privilège de pouvoir vivre quelque part où les enfants peuvent sortir dehors, jouer ensemble sans la menace de recevoir une balle ou d'être attaqué. C'est une communauté où on peut manger le matin, manger le midi, manger le soir. C'est une communauté où on peut avoir des enfants, puis nos enfants vont vieillir, puis avoir des enfants, puis on va pouvoir grandir, puis vieillir, puis avoir les cheveux gris, puis la barbe, puis perdre nos cheveux en toute paix, en toute quiétude. C'est une communauté où on peut, quand on a atteint cet état auguste, on peut s'asseoir, puis faire venir nos petits-enfants, puis les faire jouer sur nos genoux. Ça, c'est le shalom. Voyez-vous? Mais dans une société matérialiste comme la nôtre, là, où tout ce qu'on pense, c'est le marché boursier, puis c'est nos investissements, on perd de vue que c'est ça que Dieu veut pour la communauté humaine, la paix. Puis il parlait des gens qui ont vécu qui ont fait l'expérience de la guerre. Moi, j'ai un oncle qui s'est battu sur le front. Mon beau-père a vécu à travers la Deuxième Guerre mondiale. Il avait 7 ans lors de la Deuxième Guerre mondiale. En 1945. Et vous parlez des gens comme ça. Puis si vous les écoutez comme il faut, là, vous réalisez que dans le fin fond, ce qui est important dans la vie, c'est de pouvoir vivre dans un endroit où la paix existe. Où nos enfants peuvent jouer tranquilles, rire, où ils peuvent grandir, puis donner naissance à des petits-enfants. Puis si vous êtes vraiment bénis, voir les petits-petits-enfants. Puis des fois des petits chiens. Comme chez les labels, il y a un petit chien, une petite boule blanche, là, qui déchire toujours mes bas. C'est correct. Mais ça court 2 jours chez les labels. J'ai pas dit mon dernier mot. C'est un petit chien, hein? Il est dans ma poche. Il fait mieux de garder un œil sur votre chien. C'est ce que le texte nous dit, c'est qu'on a la capacité, Dieu donne aux êtres humains la capacité, le don de créer l'avenir, de créer le genre de communauté que Dieu veut voir, que Dieu veut que nous ayons. Je suis pas un spécialiste de politique africaine, mais d'après un de mes amis, Glenn Smith, qui a passé beaucoup de temps en Afrique et en Haïti, il dit, un des obstacles peut-être les plus profonds, les plus grands, à un changement de situation en Afrique, comme le Congo par exemple, c'est cette conviction chez les Africains qu'on ne peut pas changer l'avenir, que ce qui nous arrive, c'est notre destin. Du moins, c'est ce qu'il a remarqué. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais c'est compatible avec d'autres choses que j'ai entendu dire. C'est que l'avenir ne peut pas être changé. Il y a une espèce de destin là, qui nous est imposé. Et ça, on ne peut pas changer ça. Le texte biblique nous indique et affirme qu'il n'y a pas de destin comme ça. L'avenir est entre nos mains. Nous décidons de ce que nous allons faire. Mais ça, c'est une épée à 2 tranchants. Hein? Parce que en disant cela, le texte remet entre nos mains la responsabilité de faire ces choix-là. Dans un sens, vous savez, il me semble que ce serait beaucoup plus simple d'avoir une conception de la vie chrétienne et de la volonté de Dieu là, qui soit très pointue. Tu sais, le marteau, le tournevis. Je me lève le matin, j'attends les instructions que Dieu va me donner. Il me semble que ce serait le fun, tu sais. Aujourd'hui, tu vas prendre la 640, tu vas aller vers l'est. OK? Une fois rendu à Terrebonne, tu vas sortir, centre-ville. All right? Puis là, tu attendras. Tu te rends aux lumières, puis là, tu vas attendre. Ah, OK, tourne à gauche. À gauche. Ça serait très sécurisant. Hein? Vous voulez savoir qui marier? Annie s'est posée la question, à un moment donné. Hein? Avec ce beau jeune homme là, qui venait de Fresno. J'ai donné des bonnes références. Mais ça aurait été beaucoup plus simple si Annie avait pu tout simplement dire, envoyer des bâtons à terre, là, puis examiner la configuration des bâtons, puis essayer de voir le nom de l'élu. Ça serait sécurisant, parce que là, on pourrait savoir, ben, voici, Dieu a décidé que j'allais marier Joe Smith, ou peu importe. OK? Très sécurisant. Est-ce qu'il y a une responsabilité? Aucun sentiment de responsabilité dans ce genre de choses. C'est le modèle du robot. Puis ce que Dieu veut, ce ne sont pas des robots, il veut des êtres libres. Or, la liberté doit se faire dans un cadre large. Le rapport Dieu et nous est le même rapport que parents-enfants. Si vous voulez élever un enfant qui va devenir un adulte à part entière, il faut donner la liberté à cet enfant-là de prendre ses décisions et de subir les conséquences de ses décisions. Sans conséquences, il n'y a pas de décision réelle. Sans décision réelle, il n'y a pas de liberté. Sans liberté, il n'y a pas de responsabilité. Ça, c'est à la source du problème de la souffrance. Si vous vous demandez pourquoi les êtres humains ont la capacité et la liberté de se faire souffrir et de s'infliger de la douleur et des souffrances, c'est parce que, en bout de ligne, Dieu veut des êtres libres. Et le prix de la liberté, c'est le risque de la désobéissance. Et là, ça m'amène au chapitre 3, versets 8 à 24. On a presque terminé. Bon, je ne devrais pas dire ça. En principe, je suis posé vous laisser partir avant 4h30, là, mais je pense que ça va finir un petit peu plus tôt. Chapitre 3, versets 8 à 24. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Voyez-vous ce que le péché fait? Le péché vous fait méfier, créer la méfiance de la divinité. Puis c'est ce que toutes les cultures font, c'est ce que toutes les religions font. On a une méfiance fondamentale de Dieu. Dieu, c'est le policier au gros bâton. Il attend juste qu'on fasse un excès de vitesse pour nous taper dessus. Ça, c'est une notion instinctive, fondamentale, primordiale que nous avons de Dieu. Laissé à nous-mêmes, c'est ce genre de Dieu que nous avons. Le Dieu loi, le Dieu machine. Okay? Puis en fait, si vous regardez dans la nature, c'est ce genre de Dieu qui se révèle à nous. Parce que si vous prenez la mère Teresa, puis vous prenez Hitler, puis vous vous amenez au sommet de l'Empire State Building là, à New York, hein? C'est assez haut ça. Ou la tour à Toronto, là, la tour, je ne sais plus quoi, là, CN, bon, enfin, vous n'êtes pas obligé d'aller là. Puis vous poussez les deux en même temps. Mère Teresa, Hitler, à quelle vitesse? Si on présume que la résistance de l'air est négligeable plutôt, à quelle vitesse est-ce qu'il tombe? Ouais, c'est ça. Exactement. Quoi qu'il y en a qui disent moins 9,8, parce que des fois, les équations, ça prend le moins en avant. En tout cas, c'est vrai, ils descendent tous les deux à moins 9,8 mètres par seconde carrée, ce qui est tout à fait injuste. On s'attendrait à ce que la mère Teresa ralentisse et qu'à 5 ou 6 pieds du sol, son taux d'accélération soit réduit à 0,01 mètres par seconde carrée. Juste à fléchir les genoux un petit peu, ben, ça devient correct, ça aurait été une belle expérience. On s'attendrait à ce qu'il claire. D'autre part, lui, son taux d'accélération augmente. Quand on viendrait, là, au moment de l'impact, il exploserait. Puis tout ce qu'on pourrait retrouver, c'est peut-être une molaire. Hein? Qu'on pourrait mettre dans un musée pour qu'on puisse l'admirer, cette molaire. C'est ce qu'on s'attendrait. Puis là, de cette expérience-là, on pourrait déduire que Dieu est bon, que Dieu est juste, hein, qu'il est plein de compassion pour le juste et de colère pour l'injuste. Mais c'est pas ça qui arrive. Les deux tombent à la même vitesse, ils s'écrasent tous les deux, puis c'est « Ah, il faut tout ramasser ça après, là, puis ça. Bon. » c'est écœurant. Hein? Bon. De cette expérience, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que notre Dieu, que le Dieu de l'univers, est un Dieu inflexible, est un Dieu rigide. Ça, c'est la notion qu'on déduit du Dieu de la nature. Et c'est exactement ce qui se produit après la chute. Les gens cessent de regarder à Dieu, ils regardent à l'intérieur, ils voient la crainte et la peur, et ils reflètent, cette crainte et cette peur rejaillissent sur Dieu lui-même. Ils se font un Dieu à l'image de ce qu'ils sont. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, il abandonne jamais, il essaie toujours de corriger. Hein? Il ne pense pas bien, Adam et Ève. Où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur. Hein? Vous voyez, cette peur primordiale, là, instinctive. Parce que je suis nu, je me suis donc caché. Vos proches orientiens, là, quand vous n'avez pas de vêtements, vous êtes dans une situation de mort. Hein, parce que le vêtement au Proche-Orient ancien représente la protection. Okay? Donc, je suis nu, j'ai besoin de protection, je me suis caché. Et protection de qui? De Dieu. Tout d'un coup, cette désobéissance a créé en lui la notion que le Dieu de l'univers est un Dieu qui voulait le détruire. Il a vu sa nudité. L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre? Je t'avais défendu de manger. » L'homme dit, « C'est la femme. Hein? Évidemment, c'est toi la femme. C'est sa faute que tu as mise auprès de moi, qui m'a donné de l'arbre, j'en ai mangé. » Alors l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela? » La femme répondit, « Sûrement m'a induite. Le serpent m'a induite en erreur, j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Pourquoi tu fais cela? Tu seras maudit de tout le bétail, des animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre. » Verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi et ta femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête, tu l'écraseras le talon. » Il dit à la femme, « J'ai rentré tes grossesses très pénibles. C'est avec peine que tu accoucheras. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. » Bon, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce texte-là? Tout d'abord, la malédiction, c'est la parole de Dieu sur le péché. Ça rappelle que Dieu a une autorité, une souveraineté absolue dans l'univers. Ça rappelle aussi que l'humanité est libre. L'être humain a cette capacité, jouit du libre arbitre. Puis, laissez-moi vous dire en passant ici, là, qu'à chaque fois que vous vous frottez à un système philosophique ou religieux qui nie la liberté fondamentale de l'être humain, laissez-moi vous suggérer que vous vous frottez à ce que moi j'appelle le mythe ancien, ou encore, peut-être une meilleure formulation, le vieux mythe. Hein? Le vieux mythe qui rejaillit tout le temps, qui ressort de génération en génération. Les hommes, les femmes, les êtres humains ont tendance à nier cette conception de liberté, de libre arbitre que nous avons. La Bible l'affirme. Ce texte affirme la liberté de l'être humain, mais il affirme aussi la responsabilité de l'être humain. Chaque choix a ses conséquences. Chaque choix a ses coûts. Il n'y a rien de gratuit. Il faut toujours payer. On paye d'un côté, on paye de l'autre. Il y a toujours un coût à ce que nous faisons, au choix que nous faisons. Mais ceci étant dit, le pardon existe. Non, les conséquences, ça, Dieu ne peut pas vraiment les effacer. Il faut vivre avec les conséquences. Ça fait partie d'apprendre la liberté. Ça fait partie de vivre la liberté. Mais Dieu pardonne. Et Dieu est toujours prêt à renouer avec nous. Et c'est là où on découvre l'aspect très positif de la malédiction. Vous savez, c'est extraordinaire, la malédiction. Ce qui serait terrible, c'est si Dieu avait tout simplement détruit Adam et Ève. Ah, ils ont désobéi. Fini. Tu sais. Je leur casse le cou, là. Je jette ça. Ça recommence. Ça serait terrible. C'est à ça qu'on aurait pu s'attendre. Parce que les dieux du Proche-Orient ancien ne connaissent pas ça, le pardon. Tu transgresses les lois, tu es détruit, les malédictions. Puis je m'y connais, c'est ma spécialité. Je ne connais pas grand-chose en administration de l'éducation, mais j'en connais beaucoup sur les malédictions. Hein? Ici, Dieu prononce une malédiction sur Adam et Ève, mais c'est une malédiction pleine d'espérance. C'est-à-dire que la malédiction confirme et affirme que Dieu va continuer à travailler avec l'humanité. Il y a des conséquences à l'action qui a été faite. Mais Dieu intervient par une parole de jugement, mais une parole de jugement qui découle sur une ouverture, sur un avenir. La parole de jugement ne nie pas l'avenir. La parole de jugement ouvre l'avenir, encore une fois. Pour Adam et Ève, quand ils ont péché, quand ils ont désobéi, ils n'avaient plus d'avenir, c'était fini. Ils se cachaient. On va mourir. L'avenir était sombre. Il n'y en avait pas, c'était un mur. Dieu parle. Et même dans sa parole de jugement, il y a une nouvelle ouverture, un avenir qui s'ouvre à nouveau. Et sans Dieu fait ça constamment. Il nous offre à chacun de nous, peu importe la vie que vous avez vécue, peu importe les erreurs que vous ayez pu faire, Dieu nous offre toujours un avenir. Abraham, il a offert un avenir. Vous vous souvenez, hein, quand Abraham, à un moment donné, t'as pas peur d'avoir d'enfant, sa femme t'est stérile. Puis là, Dieu apparaît à Abraham, il dit, Abraham, tu vas partir. Tu vas laisser tes parents, tu vas laisser ta famille, tu vas laisser ton pays. Tu vas laisser ta terre. Puis tu vas t'en aller ailleurs. C'est terrible, ça. Particulièrement au Proche-Orient ancien, tu ne laisses pas ta famille, tu ne laisses pas ta terre, tu ne laisses pas ton pays. C'est la pire chose que tu peux demander à quelqu'un. Puis qu'est-ce qu'il fait, Abraham? Il fait, il se lève, il part, et ouais, on s'en va, on change d'adresse. Il a envoyé son changement d'adresse à Hydro-Québec, puis... Il est excité, c'est extraordinaire, on s'en va tous. C'est pourquoi il est excité, c'est pourquoi il est enthousiaste. Parce que Dieu lui avait dit, il dit, écoute, tu vas partir, tu laisses quelque chose en arrière, mais regarde bien, je t'offre. Je t'offre une descendance. Je t'offre pas 10 enfants, pas 20, pas 30, pas 50, pas 100, je t'en offre des milliers et des milliers et des milliers. Et ta descendance va être tellement grande que tu pourras plus les compter. Tu vas regarder les étoiles. Tu vas avoir plus de descendants qu'il y a d'étoiles. Tu vas avoir plus de descendants qu'il y a de grains de sable sur la plage. Oh, Abraham, il a éclaté. Les horizons, ils ont pété. Hein? L'éclatement des horizons, comme je veux dire. Hein? Il lui offrait un avenir extraordinaire. Puis je peux vous dire quelque chose, c'est qu'à ce moment-là, Abraham, il n'avait pas d'avenir. Parce que la pire chose qui peut arriver à un homme au Proche-Orient ancien, à une femme aussi, c'est de ne pas avoir de descendants, c'est de ne pas avoir d'enfants. C'est la fin du monde. Il n'y a plus d'avenir dans une société comme celle-là. Puis là, tout d'un coup, par une simple parole de Dieu, Dieu lui offre un avenir. L'avenir est ouvert. Puis il part. Puis il est heureux de partir. Il va à la découverte. Il ne sait pas trop ce qui s'en va exactement. Puis il ne sait pas ce qui va arriver. Mais c'est une chose. Il y a un avenir devant lui. Et ça, c'est quelque chose, si vous pouvez découvrir cette notion d'un Dieu qui nous promet un avenir, vous venez de découvrir une grande chose. Puis si vous pouvez communiquer ça à vos enfants, qu'il y a un avenir devant nous parce que Dieu est dans notre avenir, vous donnez à vos enfants un des plus grands dons que vous pouvez, que vous puissiez leur donner. J'aimerais bien vous donner à mes enfants, tu sais, 100 000 $ là, quand ils vont avoir 21 ans là, pour les aider. Je ne serais pas capable. J'achète pas de billets de loterie. Je crois pas à ça. Ma mère, elle achète, elle. Ben, elle m'a dit qu'elle me donnerait. Je m'intègre, hein? En tout cas. Je peux pas donner, j'ai pas d'argent à donner à mes enfants. Pas grand-chose à leur donner, en fait. Si ce n'est que moi-même. Mais ce que je peux essayer de leur donner, c'est cette conviction profonde qu'il y a un avenir. Puis s'ils ont ça, là, ils vont passer à travers leur vie aussi. Ils vont réussir. Parce qu'ils vont vivre avec cette notion qu'il y a un avenir. Puis ça, on a besoin de ça. L'être humain a besoin de ça. L'être humain commence à s'autodétruire quand il perd la notion d'un avenir qui est à lui, d'un avenir concret. Quand il n'y a plus ça, c'est fini. C'est le plus grand don que vous puissiez offrir à quelqu'un. Très rapidement, parce que je sais que vous êtes fatigué, puis je ne veux pas abuser de votre bonté. Laissez-moi vous proposer, en quelques mots, puis si vous avez des questions après ça, je pourrais toujours essayer de leur répondre. Laissez-moi vous proposer une esquisse. Ce n'est pas parfait, ça, là. Je vais écrire un livre là-dessus. Hein? Dans mon livre, je dirai tout. Bon. J'aimerais vous proposer une esquisse d'une vision du monde. Elle s'inspire des textes de la Création, mais elle s'inspire aussi des textes sapientiaux de l'Ancien Testament, parce que, vous savez, les textes de la sagesse, livre des Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, sont des textes conçus pour nourrir la vision du monde des gens qui lisent ces textes-là. C'est des gens qui sont c'est des textes destinés aux jeunes en particulier, parce que c'est là que, vous savez, que c'est quand on est jeune, quand on a 16-17 ans, qu'on construit notre vision du monde, hein? Et ça détermine notre avenir. Fait que si un jeune à 17 ans s'oriente vers la mort, pour utiliser le langage de la sagesse, toute sa vie devient une orientation vers la mort, et toute sa vie crée des vagues qui produisent la mort autour de lui ou autour d'elle. Mais quand un jeune décide de s'orienter vers la vie telle que définie par l'Ancien Testament, telle que définie par Dieu, alors sa vie devient une source de vie, puis fait des vagues qui touchent pas seulement ceux autour d'elle ou autour de lui, mais les gens d'autres générations, les gens qui suivent. C'est extraordinaire. Donc, voici une vision du monde biblique. L'univers fut créé par un Dieu qui est bon. Ça, c'est la chose la plus difficile à comprendre pour l'être humain. Ça, là, instinctivement, on n'aime pas ça. On rejette ça. Ça, c'est structurel. L'univers est ordonné, prévisible et porteur de sens. C'est pour ça que quand on pousse la mère Teresa et Hitler, ils tombent tous les deux à même vitesse. Il faut que ça soit comme ça. Sinon, si ça changeait, si c'est Hitler, puis bon, hein, c'est plus pareil, on a un univers imprévisible dans lequel la méthode scientifique est impossible. Ce qui serait bien plate parce que j'aurais pas de rétroprojecteur ici. L'environnement n'est pas un Dieu qui inspire la peur, mais l'expression d'un Dieu plein de générosité. Dans la littérature sapientielle, la création nous est donnée pour qu'on en jouisse et non pas pour qu'on provoquer ou susciter la terreur. La création de l'univers trouve son origine dans l'intention bonne de Dieu et non dans le cadre d'un conflit primordial. La violence n'est pas le principe opérant, le principe structurant de l'existence humaine. C'est un mensonge. Les êtres humains sont créés libres et dignes. Les êtres humains sont responsables de leurs actions. Le destin humain trouve son accomplissement dans l'action de Dieu et notre capacité de choisir ce qui mène à la vie. Ce n'est pas dans les étoiles, ce n'est pas dans nos gènes, ce n'est pas dans nos parents, ce n'est pas dans notre enfance. C'est dans cette capacité que Dieu nous donne, à tous les jours, de faire des choix qui mènent à la vie ou qui mènent à la mort. Un enfant a besoin de vous pour faire ses devoirs, parce qu'il y a de la misère à l'école, vous avez un choix. Vous pouvez regarder la TV, parce que c'est fatigant d'aider un enfant à faire ses devoirs. Ah! Juste à y penser, je suis malade. Ah! Ben, mon plus jeune, il avait de la misère à un moment donné. Je passais au moins deux heures et demie tous les soirs pour l'aider. Puis il n'a pas passé sa quatrième année. Mais c'est pas grave, c'est passé des choses là-dedans. Mais ça aurait été beaucoup plus facile d'aller regarder la TV ou de faire autre chose que de l'aider à faire ses devoirs. Mais un choix mène à la vie, l'autre mène à la mort. Le péché et ses conséquences résultent du libre arbitre de la personne humaine. Encore là, quelque chose qu'on a de la misère à accepter, parce qu'on a tendance à attribuer la source du mal, la source de la souffrance, la source de nos mauvaises décisions, à attribuer ça à un agent externe, à quelqu'un d'autre. C'est sa faute. Vous vous souvenez ce qu'Adam a dit? C'est elle. Puis Ève se retourne de bord, puis elle dit, c'est la bébite. Puis la bébite, il n'y a pas une chance de répondre. Hein? Vous montrez qu'il est bien important. Le texte de Genèse nous dit bien, le péché et ses conséquences nous appartiennent. Regardez ce que Dieu dit à Caïn, au chapitre 4, ce n'est quand Caïn, il boude, parce que Dieu ne favorise pas son offrande, puis là, il y a des idées qui commencent à lui passer par la tête, tu sais. Il semble qu'une des façons de régler le problème, ce serait de débarrasser d'Abel. Là, je ne sais pas si Caïn a réalisé la pleine portée de son acte, parce qu'il n'y a jamais personne qui était mort auparavant. Je ne sais pas s'il pensait que, tu sais, en tapant sa tête, là, en fracassant son crâne, qu'il ne se passerait rien. Je ne sais pas s'il a réalisé que la mort allait s'en suivre. En tout cas, alors qu'il pense à ça, puis qu'il nourrit ce choix, parce que là, vous savez, il fait face, là. Va-tu choisir la vie, va-tu choisir la mort? Puis là, Caïn est tout seul dans son appartement, il fait noir, la chandelle est éteindue. Puis il dit, qu'est-ce que je vais faire? La vie, la mort, la vie, la mort. Dieu lui parle. Qu'est-ce que Dieu lui dit? L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapi à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Pouvez-vous imaginer quelque chose de pire que ça, là, en termes de décision? Tu as envie de tuer ton frère. Je veux dire, j'ai jamais fait l'expérience de ça, là, mais c'est profond, ça, là. Là. J'ai jamais vu, eu envie de tuer que personne, moi, là, là. Puis là, il fait face à cette décision-là. La vie ou la mort? Qui a la responsabilité de prendre ça? Des esprits mauvais? Des démons? Non. Cain. Et tout seul, dans le mystère du libre arbitre, dans le mystère de la liberté humaine, il est seul à prendre cette décision et il devra en subir les conséquences. Puis Dieu ne l'arrête pas. Les êtres humains sont appelés à vivre pleinement. Ah, le message de l'Ecclésiaste. Jouis de la femme de ta jeunesse. Hein? Fais tout ce que tu veux. Aie du plaisir dans la vie. Profite de la vie tant que tu es en santé et que tu as la force. La seule chose qu'il dit, c'est fais attention de ne pas pécher. OK? Mais vous ce qu'il dit? Il dit la même chose que le texte Genèse 2, 15 à 17 dit. Jouis de la vie. Hein, c'est grand ouvert. Le champ est ouvert. Tu peux aller partout dans le champ. Seule chose que je demande, c'est que tu respectes les consignes. Tu respectes la mission. Mais à l'intérieur de la mission, jouis de la vie. C'est très, très juif, ça. Les juifs, ils savent jouir de la vie. Hein? Quand ils se marient, ça dure une semaine, puis ils dansent, puis ils font tous les temps. Mais ils pêchent pas. Fais attention. OK? C'est dans le discernement de la communauté que réside l'autorité déterminée ce qui mène à la vie et ce qui conduit à la mort. C'est pas toujours simple de savoir ce qui est vie et ce qui est mort. La Bible nous propose de grands principes, de grandes lignes directrices. Mais dans des cas bien précis, c'est pas toujours facile. Est-ce que nous devrions exploiter les technologies de clonage? Est-ce que c'est comme ça qu'on dit en français? Oui? Bon. C'est des grandes questions éthiques, ça. La Bible ne nous dit pas qu'on ne devrait pas. Ben, elle ne dit pas non plus comment on devrait le faire si on va le faire. Qu'est-ce qui va déterminer ce qui conduit à la vie dans l'utilisation de ces techniques et ce qui conduit à la mort, l'oppression, l'exploitation, la déshumanisation? Ces techniques-là ont le potentiel pour aller dans les deux directions. Qui est-ce qui va décider? Le sage nous dit que c'est la communauté qui discerne ce qui conduit à la vie, ce qui conduit à la mort. La prière. La prière, c'est quoi? C'est pas juste des formules qu'on répète. Tu sais, la plupart d'entre nous, on était catholiques à un moment donné, puis quand je suis venu au Seigneur, moi, pendant, on m'a dit... On avait deviné que je n'étais pas un chrétien. J'avais les grands cheveux longs, là, puis j'avais les yeux dans la graisse de bin. J'avais de l'air d'un drogué. C'était juste une image. Que j'avais cultivée avec beaucoup de soins. Puis là, on m'avait dit, je leur avais demandé, je vois comment on vient un chrétien, comment on devient chrétien. Il faut que tu acceptes Jésus dans ton cœur, faut que tu pries. Bon, je comprenais rien. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Fait que là, pendant une semaine, j'ai prié. Je disais, toi, notre Père, toi, je vous sais le mérite. Toi, notre Père, toi, je vous sais le mérite. Fait comme ça, je me disais, je ne veux pas offenser personne. Tu peux à l'un, tu peux à l'autre. Des fois, Saint-Christophe.